Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Prendre soin, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. La fiction d'aujourd'hui raconte la vie de Brahim, infirmier à la voix rassurante, Oiseau, le brancardier assez effacé, Isa, infirmière, beaucoup d'énergie, Bénédicte, l'hématologue, distance et humour, Loulou, aide-soignante, beaucoup d'expérience, calme olympien, Sabrina, infirmière, cadre, pleine de gentillesse, voix gaie, et enfin Anne, directrice des affaires médicales, environ 50 ans, voix ronde, sincère, habituée à faire front. Ils travaillent tous dans le même hôpital public. Ils vouent tous leur vie aux soins et au bien-être des malades. L'hôpital est un service public majeur, peut-être le dernier rempart de l'État social, au carrefour des contraintes multiples et parfois contradictoires. Accueil de tous, permanence d'accès aux soins, proximité, excellence. Oui, mais dans le même temps, les personnels de santé subissent une pression économique qui provoque découragement, voire démissions et conflits. Il y a donc urgence à trouver des solutions avant le délitement total du secteur de santé publique. Que ce soit au CHU de Grenoble, à La Timone, à Marseille ou encore à Vierzon, dans le Cher, et bien sûr à Paris, la violence aux urgences, les médecins, les internes ou infirmières insultés ou agressés, les heures d'attente pour les malades, l'hôpital public aujourd'hui est en crise profonde, au carrefour de ses contraintes, de ses horaires qui s'enchaînent de plus en plus longs pour les soignants jusqu'au bout de la fatigue et parfois du suicide. Oui, l'hôpital public est en danger. Pour sortir de cette course aux actes et de cette logique financière poussée jusqu'à l'absurde, beaucoup veulent revenir aux principes de base de la santé publique, soigner, aider, accompagner, avant de vouloir rentabiliser. Dans la seconde partie de la fiction, nous recevrons en duplex le professeur Philippe Halimi, auteur avec le professeur Christian Maresco du livre intitulé « Hôpitaux en détresse, patients en danger » chez Flammarion, un livre fort aux témoignages crus, puissants et sans détour. Ce livre est un cri pour sauver l'hôpital public. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est pas parce que je suis malade qu'il ne faut rien me dire. J'ai le droit de savoir ce que vous faites de moi. Où vous m'emmenez? Pourquoi? Prendre soin de Marie-Annick Bello. Hier, vous m'avez réveillé. J'ai été mis sur des brancards, transporté dans un autre hôpital, un autre service. Je devais faire des radios. Et rien, rien. Je suis resté 6 heures sur un brancard dans un couloir. Et après, on est venu me dire que c'était trop tard, qu'on allait me ramener. Et cette fois, vous voulez encore me prendre? Pour faire quoi? Les brancardiers vous emmènent pour faire la radio. C'est important, cette radio, monsieur Lazare. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour être là. J'ai traversé le désert à pied, quand j'avais 15 ans, avec une caravane. Ça va aller, monsieur Lazare. Allez. La deuxième Jeep est tombée en panne. L'autre est parti pour chercher du secours. J'étais jeune encore. J'ai marché. Je n'avais plus de tête. Je n'avais plus de cœur. Je marchais. Allez, attendez, laissez-le parler. Les plus jeunes se sont arrêtés les premiers. Les enfants et les femmes. Les vieux. Tout va bien. Hé, vous êtes ici maintenant. Ils avaient dit que quelqu'un passerait avec de l'eau. On savait que non. On savait qu'on était perdu. C'est fini. Monsieur Lazare, ici, vous êtes en sécurité. On va bien s'occuper de vous. Je les entends. La caravane. Ils viennent me chercher. Et quand vous me laissez là, sur le côté, je sais ce que ça veut dire. On vous laisse pas, monsieur Lazare. Ça veut dire que c'est pas la peine de me soigner. Tu Tu sais combien de temps j'ai attendu un verre de hier sur le brancard ? Toute la journée, sans boire. Mais je ne vais pas mourir. Oh non. Je ne veux pas mourir. Vous n'allez pas mourir, monsieur Lazare. Vous avez raison. Vous avez une force incroyable. Je vous mets votre bouteille d'eau ici, hein ? Juste à côté de vous. Vous la sentez ? Regardez, monsieur Lazare, je vous présente Teddy et Oisou. Ce sont les brancardiers. Ils vont vous emmener faire votre radio. Vous êtes d'accord pour y aller maintenant ? D'accord ? D'accord ? C'est bien. Ça va bien se passer. Allez. On va vous soulever maintenant, monsieur Lazare. Vous êtes prêt ? Oui. Allez. Un, deux, trois. Oh ! À tout à l'heure, monsieur Lazare. Je vous attends ? C'est ça. À tout à l'heure. À dans 6 heures. Pas cette fois, monsieur Lazare. Ça peut pas se passer tous les jours comme ça. Il va falloir décrisper la main, hein ? Je vous masse un peu ? C'est bien. Voilà. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci pour l'eau. De rien. Allez. Alors, monsieur Lazare, encore en balade ? Bonjour, Lisa. Mais cette fois, j'ai de l'eau. Je passe vous voir tout à l'heure. Salut, Poussin. Salut. Je viens chercher le dossier de madame Naville. Tu veux un coup de main pour la pharmacie ? T'inquiète, j'ai presque fini. J'ai vu monsieur Lazare, il est très agité. Moi aussi, je serais agité si on m'avait laissé pendant 6 heures dans un couloir pour recommencer le lendemain. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui craquent. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas plus qui nous sautent dessus. Les gens comprennent que c'est pas nous. Ouais, les gens sont sympas quand même, globalement. Jusqu'au moment où ils te pètent une dent. Tu sais ce qui est arrivé à Durick ? En chirurgie digestive ? Il s'est fait casser deux doigts. Oh ! Toutes les opérations sont reportées. Un mec qui supportait plus d'attendre, il était avec son petit garçon, il a surgi comme un dingue. Durick, qui fait quand même son bon 1m88, il lui a dit de se calmer, l'autre lui a sauté dessus et craque. En pleine salle d'op. La vache ! Tu sais comment va Bénédicte ? Je l'ai fait lui aujourd'hui, elle enchaîne les consultations depuis 8h ce matin. Elle est en vacances, Valentine ? Non, elle est partie. Son mari a été muté. Elle ne revient plus ? Il n'y a pas de relève ? Rien de prévu. Merci pour le coup de main. De rien. Alors. Attends, dernier compte rendu, août 2016. On n'en a pas en 2017 ? Non, je n'en ai pas vu. Il n'y a pas de compte rendu de 2017 ? Bon, c'est possible ça. Bon. Je vais voir Bénédicte. Alors, ma doctoresse préférée, comment ça va, mon lapin ? Salut, Isa. Comme quelqu'un qui a faim. Et toi ? Je te dérange pas ? Je vérifie le codage des dossiers. Ça prend un temps de dingue. Franchement, je préférais m'occuper des patients. T'as encore les yeux rouges, toi ? Tu t'es soignée ? Non, pas eu le temps. Oh, les médecins, il vous faut une infirmière pour s'occuper de vous, sinon vous tombez en morceaux. Tu veux que je te mette tes gouttes ? Non. Si. Ok. Qu'est-ce que t'es pénible ! Je sais. Bon, j'ai que 5 minutes, hein. Dépêche-toi. Pourquoi t'as fait ce métier, toi ? Il n'y avait plus de place en carrosserie. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? T'es triste ? Attends, je ferme la porte. C'est à cause de la lettre de la famille Germain. Celui qui dit que j'ai mal fait mon boulot, que j'aurais dû les prévenir, mieux les informer. Mais ça date, ça ? C'était quand ? Ben, je l'ai reçu il y a un mois, mais depuis, j'arrête pas d'y penser. Et s'ils avaient raison ? Et si j'avais mal fait mon boulot ? Lui coller une dernière chimio quand il pouvait plus déglutir, c'était peut-être pas la meilleure idée. Rappelle-toi, c'était compliqué comme décision, on en a beaucoup discuté. Ouais, puis il y a eu cette fois où sa femme a appelé, j'ai pas pu répondre. Mais tu lui aurais rappelé, tu lui aurais dit quoi ? Bah, je l'aurais rassurée, ça m'aurait pris 10 minutes, et elle et ses fils, ils auraient pu le laisser partir l'esprit en paix. Mais les 10 minutes, tu les avais pas. Qu'est-ce qui te touche autant dans leurs lettres? Bon, avant, je travaillais à Orsay. C'est pas compliqué. Quand tu veux fermer un service, tu commences par supprimer le budget. Après, ça marche de plus en plus mal. Les gens râlent. Tu constates que ça ne fonctionne pas et tu fermes. Nous, à la fin, on en était à se battre pour avoir des compresses stériles. Ici, on est bien. C'est un service de pointe avec une infirmière, une aide-soignante pour 5 lits, dans un bâtiment neuf. Mais même ici, je suis usée. Tu comprends? Pourquoi t'es devenue médecin, toi? Ouf, c'est une trop longue histoire. On est 4 générations de médecins. L'original de la famille, c'est l'oncle qui a fait pharma. Oui, mais toi? Bah, quand ça a été mon tour, j'ai dit non merci, je vais plutôt faire de la moto. Bah, j'avais 18 ans et on a décidé de faire un tour d'Espagne à moto avec un copain. Mais on n'avait pas encore passé la frontière que Khaled a eu un accident devant moi. Je suis restée hyper calme. Tout le temps, super calme. Je l'ai mis en PLS, je lui ai fait un garrot et ça lui a sauvé la vie. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Depuis que je suis toute petite, on joue au bouche à bouche, à la crise d'appendicite. À 7 ans, je savais faire une injection, prendre la tension, examiner la gorge et les ganglions. Mais alors là, ça m'amuse plus du tout. Maintenant, je me dis, je vais ouvrir une boutique de fringues pour enfants. Ma vie va être beaucoup plus simple. Il serait peut-être temps de penser à te mettre en arrêt. Plutôt crever. Déjà qu'il nous manque Simone. En plus, je dois aller à la réunion à 14h30. Tout ça me barbe royalement. Tu viens manger? Oh, je finis ça et j'arrive. Ok, je te rapporte un truc. Ah, au fait, il manque les comptes rendus de 2017 dans le dossier de Madame Naville. T'aurais ça? Je regarderai. Tu viens manger? Il est quelle heure? 14h15. Ah ouais, quand même. Je finis ça et j'arrive. Vas-y, Sisyphe, pousse ton rocher. Vous êtes en communication avec le groupe hospitalier Cochin, Port-Royal, Tarnier. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Bienvenue au groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Pour un rendez-vous hors maternité, tapez 1. Pour joindre la maternité, tapez 2. Pour joindre le service d'urgence, à l'hôpital universitaire Necker, enfant malade. Nous n'avons pas saisi votre demande. Bon appétit tout le monde. Merci. C'est moi. Je le fais réchauffer. Il est fort, on va avoir des palpitations. Tu me sers un petit truc, s'il te plaît. Tu veux quoi? Un petit verre de soupe. Je sais, c'était l'anniversaire. Quoi? Bah, on va faire un truc. On fait déjà la super bien. C'est super. Bon, thanks. Merci. Aujourd'hui, j'ai deux culots, deux petits soins sur son patient et j'ai des primes à donner. Voilà, c'est lui même qui l'a fait tout seul. C'est vrai, c'est rare. C'est pas très bon, je peux être calme. En plus, ce qui est génial, c'est que la patiente, tu sais, c'est un peu exotique. C'est un peu chimique, non? Bah non. La cisperadine, c'est ce que tu imagines. Non, c'est sûr. On était avec une amie et alors juste, on a pris, il a mal bu, on a juste pris deux mojitos en vitesse parce qu'après, on avait quatre. Attends, 18 euros les deux mojitos. Toi, tu prends pas? Aussi cher, hein. Ouais. Il y a qui cette tasse, hein? Okay. Trop de chef, pas assez d'indiens. C'est à moi, je l'ai piqué à ma fille. Elle est super. Ben moi, j'en voudrais une. Trop d'énarques, pas assez de lits. Ouais. Mais quand ils vont fusionner les hôpitaux, quand ils vont mettre en place les GHT, à ton avis, ils vont garder quel service, des matos, le nôtre ou celui de la salpêtrière? Moi, ça me dérange pas d'aller travailler à la salpe, c'est plus près de chez moi. Parce que tu crois qu'ils vont doubler le nombre de lits? Ils vont pousser les murs? On ira pas là-bas, ils décideront que c'est un parc à transfusion pour les hémophiles, parce que ça rapporte et tu feras des transfusions toute la journée. Tu pourras dire adieu à ta spé. Mais c'est qui, ta spé? Adieu à ta spécialisation, Louise. Ah bon? Oh, pauvre loulou, ça va. Bon alors, c'est quoi les vœux de notre cher Martin Hirsch? Oh, ça me rappelle une chanson, ça. Martin le malin, quand il se lève le matin, il bande, il bande. Oh, non, mange là, quand même. Qui appelle? C'est la neuf. Lui, c'est ma copine ukrainienne. Elle déteste tous les Arabes, sauf moi. Bah oui, mais toi, tout le monde t'aime, mon Brahim. Bah, j'y travaille, hein. Здравствуй, madame Stavinsky. Я тебя люблю. Isa, j'ai un petit mot pour le docteur Bénédicte qui est arrivé ce matin. Tu nous le lis ? Bah non, c'est privé quand même. On est curieux. C'est tellement gentil que je vais vous le lire. Cher docteur Bénédicte, chaque matin quand je sens la lumière sur mon visage, j'ouvre les yeux et je pense à vous, avec toute ma reconnaissance. Mélina. Wow. Oh. C'est gentil. Hein. Oh, ouais. Oh, mais si on pouvait avoir que des patients gentils comme ça. Il faudrait que ce soit que les gentils qui tombent malades. Elle a pas mis des chocolats avec. Oh, mais t'exagères. Mais oui. Mais non, mais parce que le docteur Bénédicte, elle partage toujours ses chocolats. Ah ben, on peut penser à elle, elle doit passer un sale quart d'heure. Pourquoi ? Elle est à la réunion Dialogue et Gestion. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bénédicte Alexis, PH dans le service d'hématologie depuis 3 ans. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de réunion, je suis venue remplacer ma chef de service. Depuis le début de la réunion, je vous entends parler de retour à l'équilibre du budget, d'identification des zones de perte, de taux d'occupation des lits, d'indicateurs de qualité. Donc, ma question va vous sembler bien basique. Ma chef de pôle m'a demandé expressément de vous relancer au sujet de notre collègue qui est parti depuis maintenant 7 mois, comme vous le savez, et dont aucun remplacement n'a été prévu pour l'instant. Aucune annonce n'est parue. Aucune fiche de poste n'a été publiée. Ne vous inquiétez pas. Ah ben si, je m'inquiète, madame la directrice. Comme je m'inquiète à propos de la tentative de suicide d'une de nos collègues sur son lieu de travail, dans son bureau. Comme je m'inquiète pour les défibrillateurs en panne, pour les petits sacs poubelles indispensables aux aides-soignantes qu'il faut aller mendier rouleau par rouleau. Eh bien, si vous vous inquiétez pour des sacs poubelles... Je m'inquiète aussi pour le patient qui a été opéré hier et dont le pronostic vital est engagé suite à la panne électrique due aux infiltrations. Infiltrations qui causent par ailleurs des moisissures insupportables et dangereuses. Je peux vous le dire les yeux dans les yeux. Nous avons 40 millions d'euros d'investissement en moyenne par an. On change le matériel, on renouvelle les équipements, on prend en compte la vétusté, on modernise nos locaux. Cela prend du temps, mais nous y travaillons. Et je m'inquiète aussi pour le patient dans la tête duquel un foret s'est cassé en pleine opération vendredi dernier. Jusqu'à ce qu'il se casse, le foret marchait très bien. On a fait une étude, on a contacté le fabricant. Le fait qu'il se casse a donné lieu à une analyse précise avec les fournisseurs. Il a été sorti et il a été changé. Non, écoutez, beaucoup de choses sont dues aux individus qui ne se sentent pas responsables de ce qu'ils ont à faire. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour signaler le problème ? Le fait d'être tout le temps dans la plainte induit quelque chose de très négatif. Le discours de « tout est dû au système » empêche vraiment de s'impliquer pour trouver des solutions. Je ne dis pas ça pour dire que vos équipes manquent d'implication, bien sûr. Ah mais moi j'en ai des solutions. Comme dit mon mari est banquier. Là, il fait un petit schéma comme ça, vous voyez ? Donc d'un côté, l'augmentation de la dotation de l'hôpital de 2%. De l'autre, l'augmentation des coûts fixes de 4%. Eh bien, il a raison. Notre hôpital affiche une ardoise de 14 millions d'euros. Reconnaissez que c'est un casse-tête. Il faut bien réduire le déficit. Je vais vous le dire avec des mots plus simples. D'une part, il faut réduire les coûts. Et d'autre part, si on n'a pas assez d'activité, on n'aura pas de sous. Et si on n'a pas de sous, on ferme. Un peu de bon sens suffit. Et vous croyez quoi ? Que l'argent apparaît comme ça ? Il faut aller le chercher. Bien déjà, on pourrait reverser aux hôpitaux les 12% de taxes sur les salaires des soignants. À l'échelle nationale, ça représente 4 milliards d'euros. 100 000 emplois, pourquoi pas ? Ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu. Bah, alors c'est qui ? Nous, ce que nous voulons, ce que nous mettons en œuvre, c'est que nous souhaitons réformer avec bienveillance. Nous allons récupérer du personnel sur la chirurgie grâce à l'ambulatoire. C'est bien pour vous ça en hémato. D'ailleurs, à l'horizon 2020... Nous avons posé un objectif de 70% de chirurgie ambulatoire. C'est un objectif de pertinence de soins. Non, mais pertinence des soins, ça se discute. Pas en hémato, en tout cas. C'est fatigant que les choses ne soient jamais dites en face. La vérité, c'est que fermer les services la nuit, ça amène à réduire les équipes. Bon, vous sortez de votre rôle, là. C'est vous qui soignez, mais c'est nous qui gérons. Vous n'allez rien obtenir en vous montrant agressive. Pardon ? Mes convictions. On véhicule tous des émotions, et quand c'est des émotions positives, de bien-être, de bienveillance, et qu'on arrive face à un patient, eh bien ça contribue déjà beaucoup aux soins. Mais quand vous arrivez et que vous êtes déjà en colère, vous allez avoir beaucoup de mal à soigner le patient. Excusez-moi ! Excusez-moi ! Oui ? Hicham Elaoui. Je suis adjoint de gestion de pôle. On s'est déjà vu l'an dernier à la réunion concertation et innovation. Sur votre question de qui sont les responsables, je voulais vous expliquer... Oui, m'expliquer que l'hôpital a contracté des emprunts toxiques dont on paie encore les intérêts et vous excusez à genoux au nom de la direction financière. Non, vous expliquer comment ça marche, que vous soyez moins en colère. Les choses sont plus grises que ça, vous savez. J'ai 1 minute 15 pour vous. Ok. Alors, avant, dans les années 2000, on avait un budget global. L'objectif, c'était de dépenser 100% de l'enveloppe pour pouvoir avoir la même enveloppe l'année suivante. Mais maintenant, c'est différent. On essaie d'estimer nos recettes et on essaie d'être le moins possible en déficit. Cette année, par exemple, la ministre vient encore de baisser les tarifs de la T2A, la tarification à l'acte. Donc, il va falloir développer l'activité pour ramener l'équilibre budgétaire. C'est clair jusque-là ? Bah oui, chaque acte médical est codé et rapporte une certaine somme à l'hôpital. Si cette somme diminue, on doit voir plus de patients pour compenser. Je continue ? Oui. On est obligé d'adapter nos dépenses. Alors on a beaucoup externalisé, puis on a diminué les postes, mais au bout d'un moment, les services n'ont plus que la peau sur les os. Donc on ne peut plus continuer à le faire. Donc maintenant, on restructure carrément. On se dit par exemple, voilà, il y a un service hémato ici, un autre dans un hôpital pas très loin, pourquoi pas les fusionner ? On travaille sur des restructurations entre services, entre groupes hospitaliers, fermer un ou plusieurs sites. Alors évidemment, ça met en stress les sites concernés, mais on cherche à ce qu'il n'y ait pas de baisse de qualité pour les patients. Avec des personnels en stress ? Avec des services rationalisés. Vous voulez un morceau de chocolat ? Ah oui, carrément. Je vous ai vu déjà à la réunion. Vous étiez toute pâle. Tenez, moi aussi je fais de l'hypoglycémie. Merci. Si vous voulez avoir une vision un peu plus globale, je peux vous expliquer un autre truc. Ah, je revis. La ministre de la Santé a une enveloppe budgétaire à partager entre la sécurité sociale, l'hospitalisation publique et privée, les labos pharmaceutiques, la médecine de ville et d'autres encore. C'est elle qui arbitre. Donc on peut dire que plus la ministre donne aux labos ou aux privés, moins elle donne à l'hôpital public. Non, chacun a son rôle à jouer. Les labos pharmaceutiques, c'est aussi une certaine partie du PIB. Si la ministre de la Santé ne donne pas satisfaction aux lobbies pharmaceutiques dans les arbitrages budgétaires, ce qui conduit à moins donner aux hôpitaux, elle va se faire taper sur les doigts par Bercy, ou même par l'Élysée. C'est un jeu où chacun est un peu coincé, depuis l'infirmière jusqu'à la ministre. Oui, enfin, les labos sont pas trop coincés, eux. Hein. Leurs actionnaires ont des marges de 20% net, plus que l'industrie du luxe. C'est un peu facile de taper sur les labos, non ? Nous, en hémato, il y a une molécule qu'on a décidé de ne plus utiliser, le Glivarec. Et pourtant, elle est très efficace contre les leucémies et elle peut sauver des vies. Mais elle est trop chère. Elle est à un prix injustifiable. Un traitement coûte plusieurs milliers d'euros, alors qu'on parle de vie humaine. Les labos fixent leur prix dans une totale opacité, la sécu plonge, leurs actions remontent. Ça y est, c'est reparti, la tête des labos au bout d'une pique et on danse la carmagnole. Vous êtes un grand médecin, mais c'est pas facile de dialoguer avec vous. Mince. Il faut que j'y aille. Comme dit mon mari banquier, la dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Il n'est pas plus anarchiste que banquier, votre mari ? C'est de Michel Rocard. En tout cas, merci pour le chocolat. Allô, Isa ? Oui, t'as trouvé les comptes rendus de Madame Naville que je t'ai préparés ? T'as vu, il y a un gros problème de validation de chimio. Ça me fatigue. Ok, je vois ça avec Sabrina. Bonjour, je suis Sabrina, la cadre d'hôpital de jour en hémato. J'ai aujourd'hui une patiente qui vient pour des douleurs, qui a une fièvre à 38, dont le médecin souhaite une hospitalisation pour asthénie, douleurs et hyperthermie. On n'a pas de lit sur notre secteur, est-ce que vous auriez un lit disponible ? Oui, j'attends. Non ? Bon, merci quand même. Oui, Bénédicte. Ouais. Validation de chimio, Madame Naville. Attends, donne-moi une seconde. Non, pas de lit, pas du tout. Bon, bah merci quand même. Oui, Bénédicte, excuse-moi, je regarde ça tout de suite, je te rappelle. Allô, Frédéric, tu peux me donner le numéro de la salle ? J'ai des chimios qui n'ont pas été validées. Oui, elles ont été faites, mais cette chimio-là, elle génère un J1, J2, J3. La patiente n'est pas venue J2, J3. Gwendoline, j'ai un souci avec des validations de chimio. Vous pouvez vous mettre sur le logiciel ? Comment ça, vous n'avez pas accès? Le docteur a besoin que ce soit validé avant 16h15 pour valider sa chimio. Franchement, les filles, je comprends, hein. Des fois, c'est compliqué, tout ça, mais il faut vraiment... C'est pour Madame Naville, les 11, 12, 13 mars. Super, bon, merci à vous, hein. À tout à l'heure. Tu peux me passer Bénédicte? Je suis bien au 2183, elle vient de m'appeler de ce poste-là. Est-ce que tu peux aller voir si elle est dans le bureau, s'il te plaît? Elle me rappelle ou elle vient au téléphone? Ouais? Ouais, merci. T'as un médecin, là, quelque part? Non, mais sérieux, où est-ce que je peux joindre un médecin? À quel numéro? Dans quelle box? Elle doit être quelque part, hein, en train de... Oui, excusez-moi, est-ce que je peux joindre Bénédicte Alexis, s'il vous plaît? 21-155? 21-155. Merci beaucoup. Non, non, non, c'est parce qu'elle m'a appelée, je dois la recontacter. Bénédicte, excuse-moi, quand tu m'as appelée, j'étais sur trois trucs à la fois. Ah, c'est bon, hein, pour Madame Naville, je t'ai envoyé les infos. De rien. Allô, oui, c'est Sabrina, vous avez eu mon message concernant ma demande de lit? Comment ça, si j'ai plus de place, je lui dis que je peux pas la prendre? C'est-à-dire, je lui dis d'aller mourir chez elle? Bah ouais, t'aimes pas mon humour. Bah, merde, merde. Putain, merde, j'aurais pas dû m'énerver. Bonjour, je suis Sabrina, la cadre d'HDJ en hémato. J'ai une patiente sur mon secteur, mais on n'a pas de lit en onco, en infectieux et en cardio non plus. Le médecin souhaite une hospitalisation pour asthénie, douleur et hyperthermie. Vous avez un lit, mais vous pouvez me le garder que pendant 48 heures. Oui, bah je prends, merci beaucoup. Allô, Fredo, c'est Sabrina. Est-ce que dans 48 heures, t'aurais un lit disponible? Tu regardes et tu me dis? Oui? Ah, oh, c'est super. Il faut qu'elle soit sortie le lendemain à 11h, je note. Encore du balavoine? Magnifique, vous faites quoi? Une petite pause clope. Il y a monsieur Requena qui est mort. Ouais. Ah, c'est moche. C'était un monsieur très élégant. Très. Monsieur Requena, ça fait 8 ans qu'on se bat ensemble. Au début de sa maladie, il a planté un tilleul en face de sa maison pour le bruit du vent dans les feuilles. À chaque consulte, il me donnait des nouvelles du tilleul, des conseils de jardinage. Le tilleul dépasse sa maison maintenant. Il est mort et il y a déjà quelqu'un d'autre dans son lit. Ça va trop vite. Tout ce que je peux faire, moi, ce soir, c'est boire une tisane en pensant à lui. Et pourtant, il faut vivre ou survivre. Être heureux, malheureux, vivre seul, même à deux bras. Ah, monsieur Lazare est rentré, j'y retourne. C'était Prendre soin de Marianick Bello. Avec, par ordre d'apparition, Christian Gouna, Mustapha Bourachid, Zohar Wexler, Mélanie Bestel, Aurélia Petit, Cécile Arnaud, Barbara Bolotner, Myriam Ajar, Nicolas Giréfamo. Bruitage Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage Cédric Châtelus, Sébastien Royer. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation Laurence Courtois. Merci à Brigitte Camus, Fabienne Chevalier, Sylvain Choquet, Marie-Pierre Dan, Marie-Vonne Daraspe, André Grimaldi, Gisèle O'Haro, Béatrice Kandalawala, Christelle Marie et aux équipes du service hématologie de la Salpêtrière. Cette émission est dédiée à Bénédicte Casalonga. C'était qu'une passade digitale et j'en retiens que dalle-mère. Rouge est le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais promis on se fait pas de mal, promis je monte la garde. Pourtant c'est l'escalade, le sang. Affaires sensibles, la fiction. Aux urgences de l'hôpital Avicenne, le nombre de patients s'accumule dans les couloirs. Certains peuvent parfois attendre 7 à 8 heures avant d'être pris en charge par un médecin. Cela vient d'un manque de personnel, raconte le docteur Aurélie Turel, 12 ans de métier. Et il peut y avoir des conséquences graves. C'est pas rare qu'on s'occupe de patients qui sont plus graves que lorsqu'ils sont arrivés aux urgences. Vous avez un exemple de ça ? Ah ben oui, bien sûr. L'exemple d'une dame, par exemple, qui est arrivée vivante, qui a été mise en salle d'attente, et quand on l'a appelée, elle était morte. C'est une catastrophe, et toutes les urgences ont ce type d'expérience dans leur quotidien. Le docteur s'abrite derrière un sourire de façade, mais en plus d'éprouver un sentiment d'impuissance, elle doit tous les jours faire face à l'agressivité des patients. On nous insulte, ça c'est vraiment le quotidien. On nous mord aussi, et on nous frappe, oui. Les patients n'arrivent pas agressifs au départ, mais par contre, à la fin, ils le sont quasiment tous parce qu'ils ont attendu 8 heures avant d'être vus, qu'ils ont mal, qu'ils ont, en tout cas, même si ce n'est pas une vraie urgence médicale, un ressenti d'urgence et qu'il faut qu'on puisse prendre en charge, mais les moyens ne nous le permettent pas. Des horaires de travail à rallonge, parfois 26 heures d'affilée, des cas de burn-out qui se multiplient. Ce système va finir par imploser. Le professeur Frédéric Adnet est le chef des urgences. Il constate chaque année une augmentation des arrêts de travail. Pour lui, l'une des solutions serait donc d'alléger la charge administrative des médecins. Nous, urgentistes, on passe quand même un temps assez important à rechercher des lits disponibles pour pouvoir hospitaliser nos patients. Et ça, normalement, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle d'un personnel administratif. Il faudrait généraliser le concept de bed manager, c'est-à-dire qu'il y ait du personnel qui soit là en support des médecins urgentistes pour dispatcher les patients quand on a besoin de lits. Nous, on récupère du temps médical et on devient beaucoup plus efficace dans la prise en charge des patients puisqu'on aura beaucoup plus de temps à leur consacrer. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, prendre soin. Notre invité, le professeur Philippe Halimi, co-auteur du livre intitulé « Hôpitaux en détresse, patients en danger » chez Flammarion. Bonjour Philippe Halimi. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le professeur Halimi et co-auteur avec Christian Marescot du livre « Hôpitaux en détresse, patients en danger », un livre qui dénonce les raisons des dérives de l'hôpital public à travers des témoignages très touchants. Vous êtes, vous, chef du service de radiologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et président de l'Association nationale Jean-Louis Ménien, du nom de votre confrère qui s'est suicidé le 17 décembre 2015. Ce nom de Jean-Louis Ménien, peut-être résume-t-il à lui seul les problèmes de l'hôpital public jusque dans la plus grande gravité. Qui était Jean-Louis Ménien d'abord ? Alors, Jean-Louis Ménien était un collègue professeur de cardiologie de l'hôpital Georges Pompidou, dont j'étais très proche, et qui s'est suicidé, selon nous, pour des raisons de maltraitance et de harcèlement, issu à la fois de son chef de service, qui était président de la collectivité médicale de l'hôpital Pompidou, et de la direction de l'époque. Et d'ailleurs, l'information judiciaire est en cours depuis 2 ans et demi. On nous dit qu'elle est en voie d'achèvement, mais nous n'avons toujours pas de conclusion de cette enquête et nous espérons bien entendu que la justice saura reconnaître les conditions du suicide et la situation de harcèlement qu'il a subi. Donc, Jean-Louis Ménien, symptôme, pour reprendre un mot médical, des grands malaises de l'hôpital. Dans votre livre, vous écrivez « L'heure est venue d'une véritable prise de conscience pour que cesse la destruction de l'hôpital public ». C'est très fort. Alors, est-ce qu'on veut vraiment la destruction de l'hôpital public ? Franchement. Alors, il y a deux hypothèses. Un certain nombre de personnels de soins considèrent que on veut mettre à genoux l'hôpital public pour se débarrasser d'un secteur qui n'est pas rentable. D'autres pensent qu'il s'agit d'une insuffisance de prise de conscience de ce qui se passe à l'hôpital public, qu'il n'y a pas forcément de volonté délibérée de mettre en difficulté l'hôpital public. Quoi qu'il en soit, la situation est une situation sur le plan des relations au sein de l'hôpital public qui est déplorable. On observe une perte de sens généralisée, ça dans toutes les régions, dans toutes les catégories de personnel, avec beaucoup de fuites de personnel qui sont mis au placard, qui sont en burn-out, qui sont harcelés, maltraités, qui utilisent des procédures judiciaires pour se défendre. Et bien entendu, derrière ces départs de personnel de soins, les jeunes ne veulent plus être à l'hôpital public. Alors, on voit bien qu'à la base de ces problèmes, il y a un modèle économique qui ne s'accorde plus à ce que devrait être l'hôpital public. Mais vous, on parlait, il y a quand même l'hôpital public garde des pôles d'excellence. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas cacher les problèmes dont nous parlons, mais les problèmes dont nous parlons ne doivent pas cacher non plus l'excellence, parfois, souvent même, de l'hôpital public français dans ce qu'il peut apporter comme soins, parfois même comme exploits médicaux. Bien sûr, mais je dirais que dans les conditions d'exercice de l'hôpital public actuellement, c'est presque un exploit de pouvoir maintenir ce niveau de compétences et de performances. Et je crains que dans les années à venir, ces zones d'excellence soient de moins en moins nombreuses. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est temps d'avoir ou de penser un avenir autre pour le fonctionnement de l'hôpital public. Alors cet avenir, nous sommes les solutions à apporter. Est-ce que ça commence d'abord par le modèle économique? Imaginons un modèle économique plus viable, plus fort, comme on l'a connu avant. Est-ce qu'il faut d'abord revenir à ça? Sinon, y a-t-il d'autres pistes si on considère que non, on ne peut plus revenir à ça parce que l'économie a changé, parce que le monde a changé, la politique aussi d'ailleurs? Bien sûr. Alors, il y a manifestement plusieurs éléments qui contribuent à cette situation de crise que traverse l'hôpital public. Alors, le premier élément, on peut en parler, beaucoup en parlent et à juste raison, c'est le manque de moyens récurrents de l'hôpital public depuis des années. Chaque année, l'hôpital fait des performances de plus en plus grandes en termes d'économie de santé, mais chaque année, on lui demande de faire encore plus d'économies. Il y a un point où ce n'est plus possible. Les coups de rabot budgétaires successifs font que on est à l'os. Il n'y a plus rien à dégraisser. Et ça, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi un deuxième élément qui entre en ligne de compte, c'est le type de management. Parce qu'on est dans un management quantitatif. Et la ministre de la Santé a dénoncé cette méthode qui consiste à accumuler des actes sans se préoccuper de savoir s'ils sont requis sur le plan médical, s'ils ne sont pas dangereux. Et donc, c'est une course, en quelque sorte, à la consommation d'actes médicaux et qui peut être préjudiciable pour le patient. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi le type de management. Et il y a beaucoup de violence soit larvée, soit de violence qui se traduit par un management très autoritaire que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ce n'est pas n'importe quelle commission, dénonçait récemment dans un communiqué, de même que le défenseur des droits, qui dénonce la situation de maltraitance institutionnelle dont sont victimes un certain nombre de personnels de soins et dont sont victimes également les patients. Donc ce n'est pas uniquement nous qui le déclarons, il y a un certain nombre de syndicats de directeurs d'hôpitaux qui se mobilisent également et qui considèrent qu'il est urgent de réformer en profondeur l'hôpital public. Est-ce que cette école de Rennes, l'école des hautes études en santé publique où sont formés les cadres du système de santé, elle est mise en cause? Elle est dans le collimateur? Elle est probablement un petit peu dans le collimateur parce qu'on a plusieurs éléments d'information qui nous laissent à penser qu'on est dans une culture, je dirais, des futurs directeurs d'hôpitaux qui est une culture très anti-médecin et on a l'impression que quand les directeurs d'hôpitaux en herbe prennent leur premier poste, ils ont un peu l'esprit préformaté contre les médecins qui sont censés être irresponsables, individualistes. Et donc, quand en plus les lois de santé donnent des pleins pouvoirs aux directeurs d'hôpitaux, qui sont des pouvoirs qui nous paraissent exorbitants, déséquilibrés par rapport au personnel de soins, il n'est pas très étonnant de voir des dépassements de lignes rouges dans un grand nombre de régions de France. Nous avons sur la carte des signalements de maltraitance que nous avons mis en œuvre sur le site de l'Association nationale Jean Mignon, on compte pas loin de 500 situations de maltraitance. Et ce n'est qu'une partie du problème. Et ça concerne vraiment toutes les régions. Je vous avais parlé tout à l'heure de Paris, mais aussi Besançon, Strasbourg, Caen, Nice, Toulouse, Grenoble, Limoges, Martinique, Guadeloupe et Jean-Loup, bien entendu. Donc ça veut dire qu'il y a une situation institutionnelle généralisée de crise qui ne peut pas durer, sauf avoir périclité la qualité des services que l'hôpital public peut offrir aux patients. Et les ARS, les agences régionales de santé, elles servent à quelque chose ou c'est un machin? Parce qu'elles pourraient servir de médiateur. Ouais, elles servent en réalité peu de médiateurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même, je dirais, structure technico-administrative, institutionnelle. Ben, les directeurs d'hôpitaux, ils sont parfois directeurs d'hôpitaux, puis ensuite ils vont passer à une direction d'agence régionale de santé. Et donc, on est dans la même structure institutionnelle avec une administration qui est omnipotente et qui ne respecte pas les personnels. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'imposer et qui se traduit par bien des burn-out, des tentatives de suicide ou des suicides. J'en ai noté depuis quelques jours un nouveau suicide à Grenoble. On en est au cinquième depuis six mois. Un nouveau suicide aux hôpitaux de Strasbourg, au centre Paul Strauss, une jeune chirurgien très talentueuse, spécialisée en cancérologie du sein, s'est suicidée vendredi dernier. Elle avait 34 ans. Je viens de rapprendre également à Grenoble qu'il y a une jeune cadre infirmier qui s'est suicidée mardi. Il y avait 4 suicides auparavant, depuis le suicide d'un neurochirurgien qui a déclenché toute l'affaire de Grenoble, dont nous parlons justement dans le livre. Professeur Halimi, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer de parler de la situation à l'hôpital public. Peut-être. En tout cas, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est que on demande à l'hôpital maintenant d'être rentable, dans une logique d'entreprise. Est-ce que le ver n'était pas dans le fruit dès lors qu'on a eu cette idée, qu'on a tenté de l'imposer ? C'est un peu notre sentiment, parce que beaucoup de nos collègues et beaucoup de personnels de soins ont considéré que la loi qui régit le fonctionnement de l'hôpital public, qui est la loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire, la loi HPST, qui a été promulguée par Madame Roselyne Bachelot en 2009, est à la source de beaucoup de problèmes, parce qu'elle considère que l'hôpital public est une entreprise comme une autre, ce qui peut se discuter. Et étant une entreprise comme une autre, bien, elle a un seul PDG qui est le directeur d'établissement. Et les contre-pouvoirs du directeur ont été notoirement affaiblis. Et on observe des prises de position, je dirais, administratives qui sont un véritable scandale par rapport au respect de l'état de droit et, je dirais, une honte pour notre démocratie. Récemment à Nantes, la restructuration du CHU, selon la direction, devait amener à supprimer l'un des deux services de chirurgie cardiaque. Et pour supprimer l'un des services de chirurgie cardiaque avec un médecin qui faisait du très bon travail, on n'a rien trouvé d'autre comme moyen que de le suspendre à titre conservatoire et de monter de toutes pièces un dossier à charge à base de faits erronés, avec comme objectif son éviction planifiée avec une commission médicale d'établissement qui ne l'a même pas entendu, ce collègue, qui n'a même pas entendu son chef de service. Manifestement, il y a des comportements qui sont des comportements qui choquent dans notre pays. Est-ce que, par exemple, la pratique de l'ambulatoire, qui est de plus en plus pratiquée à l'hôpital, ça veut dire ne restez pas trop longtemps chez nous parce qu'on n'a pas envie, ça nous coûte cher, et ça vous coûtera cher aussi, ou est-ce que, simplement, on dit aux patients, vous n'aimez pas être à l'hôpital, c'est normal, on va tout faire pour que vous soyez chez vous. C'est quoi la vraie raison ? Non, mais là, les actes ambulatoires, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut développer. Mais la limite des actes ambulatoires, c'est quand vous êtes dans un hôpital très spécialisé, des chirurgies lourdes. Je prends à titre d'exemple la chirurgie cardiaque, certaines chirurgies cancérologiques. Bien, cette chirurgie ambulatoire n'a pas beaucoup de sens. Donc il y a des indications qui sont des indications avérées. Il faut bien entendu que l'on pousse à augmenter le pourcentage de chirurgie ambulatoire, mais aussi des limites. On ne pourra pas faire de la chirurgie ambulatoire cardiaque, on ne pourra pas faire de la chirurgie ambulatoire dans des gestes très lourds qui sont mutilants. Et bien entendu, ce n'est qu'un aspect du problème. Mais cette chirurgie ambulatoire, on pousse à l'extrême et parfois on a l'impression qu'on renvoie dans ses foyers un patient alors qu'il est en état, je dirais, encore un peu précaire. Alors, il semble que la condition des étudiants qui passent par l'hôpital, que ce soit des étudiants en médecine, des étudiants infirmiers et autres personnels, futurs personnels de santé, soit particulièrement difficile et qu'ils soient particulièrement maltraités. Est-ce vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a un livre qui est sorti il y a à peu près un an qui parle d'Omerta à l'hôpital public et qui dénonce les conditions de harcèlement sexuel, moral, maltraitance que subissent les étudiants en santé, infirmiers, les étudiants en médecine. Et dans un système qui est très hiérarchique, très vertical, bien entendu, les personnes les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont en bas de l'échelle, les agents hospitaliers, les étudiants en médecine, qui sont a priori taillables et corvéables à merci, sont des gens fragiles. Je signale, je prenais tout à l'heure l'exemple de Grenoble. Il y a un étudiant en santé qui s'est suicidé en début d'année et un interne qui a fait une tentative de suicide dans le même établissement un ou deux mois après. Donc, ça veut bien dire qu'on est dans une situation où les personnels les plus fragiles sont potentiellement en danger. Et je dirais que dans un système qui est celui de l'hôpital public, personne n'est à l'abri de phénomènes de harcèlement et de maltraitance, même si vous n'avez pas commis d'erreur médicale, de faute. Et si, à un moment donné, on veut vous mettre en difficulté, on arrivera à le faire. Alors, bien entendu, parmi les personnels qui sont les plus susceptibles de subir des phénomènes de maltraitance, il y a des personnels particulièrement investis. Et c'est probablement les meilleurs d'entre nous qui sont en difficulté parce qu'ils ont un niveau d'exigence que l'hôpital public ne veut pas donner au personnel de soins. Et de cette façon, ils sont dénoncés, ils sont pointés du doigt et le système, la machinerie va se mettre en place pour l'obliger à partir, l'obliger à aller au placard et le mettre dans une situation très précaire d'arrêt de travail ou de burn-out, avec bien souvent la volonté de lui donner des tâches qui sont impossibles à réaliser sur le plan humain. Le livre Omerta dont vous parliez, sorti il y a un an, est maintenant paru en BD, récemment. Oui. C'est le livre de Valérie Auslander. Oui, absolument. Alors, que conseilleriez-vous aux jeunes internes ou jeunes infirmiers et infirmières qui choisissent le service public de santé aujourd'hui? Parce qu'on espère qu'il y en a encore beaucoup qui choisissent. Ben, il y en a, heureusement. D'abord, ce qui est important, et on en prend conscience maintenant, c'est qu'il faut instiller justement de la prévention vis-à-vis des phénomènes de harcèlement, de maltraitance dès le début des études médicales. Et par exemple, cette année, à Paris 5, la faculté dans laquelle je travaille, eh bien, les étudiants en santé, dès la première année, ont eu des cours sur ce que c'est que le harcèlement, ce que c'est que la maltraitance, quels sont les moyens de les prévenir, quels sont les moyens de lutter contre ces phénomènes, parce que je pense qu'il est nécessaire que cette prise de conscience s'effectue. Beaucoup de nos collègues ou de personnels de soins n'en ont pas conscience, tout simplement parce que les études sont longues, fastidieuses, et cet aspect des choses qui devient prépondérant actuellement à l'hôpital n'est pas bien enseigné, et ça commence dès les premières années d'études. Dernière question, professeur Halimi. Et à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut considérer que la crise à l'hôpital est plus la crise des soignants que celle des patients ? Alors moi, je dirais que c'est la crise des soignants et des patients. Parce que quand vous avez des personnels de soins qui sont en difficulté, ils ne sont pas en capacité de prendre en charge dans leur plénitude les patients. C'est l'un et l'autre. Et ce que l'on dénonce justement, c'est que la situation dans laquelle on met un certain nombre de personnels de soins aboutit forcément, dans un grand nombre d'endroits, à mettre en difficulté la prise en charge de certaines pathologies. Et d'ailleurs, beaucoup d'études dans la littérature scientifique démontre que un harcèlement, je dirais, généralisé ou institutionnel dans un établissement se traduit directement par une augmentation de la morbidité et de la mortalité, pathologie par pathologie, comparativement à un hôpital où les relations entre les personnels sont bonnes. La force des faits, hein, quand on les expose comme ça, bah, tout est dit. Merci en tout cas, professeur Halimi. Je vous rappelle que vous êtes auteur, avec le professeur Christian Maresco, du livre intitulé « Hôpitaux en détresse, patients en danger » chez Flammarion. Merci, merci, au revoir. À vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Prendre soin, une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Jérémy Guillon et Florent Beauvallet.